بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, inshallah ta'ala, on ne fera pas cours sur l'explication de Kitab al-Tawhid, ni le cours sur l'explication de Taysir al-Allam, Cheikh Abdallah al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, je vais profiter de cette occasion afin d'éclaircir une deuxième fois ce que j'avais déjà éclairci lors de mon premier audio concernant le frère Nadir Abu Anas. Donc ce qui suit est ma deuxième réponse à Nadir Abu Anas du site doros.net. Avant de commencer, une chose est sûre, c'est que certains vont dire, c'est reparti, Youssef Abu Anas a rallumé la mèche, d'autres vont dire que les salafis sont fidèles à eux-mêmes, toujours au rendez-vous pour créer les polémiques et pour diviser les musulmans qui ont besoin de s'unir et d'être une seule et même communauté. D'autres vont dire, ça suffit les mises en garde, vous allez en entendre des vertes et des pas mûres. Je réponds à toutes ces personnes, avant de commencer, que la vérité est ce qu'il y a de plus cher à mes yeux. Et ce n'est pas à cause de spéculation ou autre chose que je délaisserai cette vérité. Le conseil que l'on doit donner aux musulmans et aux musulmanes, c'est un devoir que je ne délaisserai pas à cause de reproches ou autres attaques qui sont vides de science. Des reproches et des attaques que l'on entend de plus en plus malheureusement de nos jours dans les réseaux sociaux, via Internet et les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, malheureusement, qui ont donné la parole à la masse des gens qui parlent dans la religion d'Allah sans science et dont la majeure partie du temps, les commentaires qu'ils écrivent et les paroles qu'ils disent sont dictées par leurs sentiments et par le manque de savoir. Me concernant, je continuerai à répondre et à éclaircir la vérité, incha'Allah ta'ala, tant que cela sera nécessaire et autant de fois qu'Allah azawajal me le permettra. Une autre chose que je veux dire avant cette deuxième réponse, c'est que je ne cherche dans cela ni la renommée, ni les éloges, ni les remerciements, ni la division des musulmans, ni le dénigrement de qui que ce soit. Mon but, et Allah Azza wa Jal en est témoin, c'est de conseiller mes frères en islam. De conseiller mes frères et mes sœurs en islam. Et à celui ou celle qui prétend le contraire, je lui dis que je lui donne rendez-vous demain, incha'Allah ta'ala, le jour du jugement, devant le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Mon but unique est donc de conseiller les musulmans, de leur ouvrir les yeux face à des ruses, des stratagèmes dont ils sont malheureusement victimes au nom de l'islam authentique et au nom de la compréhension des pieux prédécesseurs. Voici ma conviction et sachez que je me rapproche d'Allah Azza wa Jalla en faisant cela. Ce n'est pas de la médisance, ce n'est pas des paroles gratuites, j'adore Allah Azza wa Jalla en faisant ce que je fais. N'en déplaise à quiconque. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Nadir Abu Anas, dans un audio qu'il a intitulé « Cache les défauts de ton frère », a fait un éclaircissement sur les erreurs que je lui avais reprochées. Voilà ce qu'il dit dans cet audio. Dans l'audio, vas-y doucement. Les erreurs se trouvent dans deux audios. Grâce à Allah Azza wa Jal, c'est dans deux audios. Sur plus d'une centaine d'audios, c'est un cadeau de la part d'Allah qu'on a réussi à les trouver dans deux audios. Fin de citation. Je dis à ce frère, Masha'Allah, Tabarakallah, quelle modestie de ta part. Tout d'abord, ce frère, Adahullah, trompe ses auditeurs en leur faisant croire qu'il a vérifié une centaine d'audios et que dans cette centaine d'audios, il n'a trouvé que deux audios qui comportent des erreurs. Qu'il ne me cite pas, moi, Youssef Abou Anas, comme étant la personne qui a découvert ses erreurs, ne me dérange absolument pas. Mais de là à faire croire que dans sa centaine d'audio, seuls deux comportent des erreurs, ici c'est une tromperie de sa part et un manque hallucinant de modestie et d'humilité. Et pour sa gouverne, je lui informe que je n'ai écouté que 5 de ses audios. Comme salam alhamdoulilah. Je n'ai écouté que 5 de ces audios et cela m'a amplement suffi à découvrir le personnage et à constater toutes les erreurs que j'ai citées dans mon premier audio. Je tenais à éclaircir ce point car c'était vraiment osé de sa part. Il cite ensuite dans cette réponse 2 erreurs sur lesquelles il revient en rapport avec le athar de Ali ibn Abi Talib sur les Khawarij. Il revient sur le fait qu'il est considéré cela comme authentique, et il revient également sur l'erreur historique grave qu'il a faite en disant que les Khawarij avaient combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis vient le tour de la 3e erreur. Et là, ouvrez bien vos oreilles. Il dit, je cite, 3e erreur dans le même audio, c'est que j'ai mis à la même échelle les salafis et les chiites, et c'est une erreur que j'ai fait inconsciemment. J'ai dit que tu sois chiite ou salafi, l'essentiel c'est que tu es musulman. Et là, écoutez bien. Et je voulais dire que tu sois tablir ou salafi, l'essentiel c'est que tu sois musulman. Et j'ai donc mis les salafis et les chiites à la même échelle. Cette parole a été supprimée de l'audio. Fin de citation. Regardez, ce frère, Hadahullah, il regrette d'avoir mis les salafis et les chiites à la même échelle et ose dire, dans une position d'éclaircissement, dans une position de réponse à une erreur qu'on lui reproche, dans une position dans laquelle aucune zone d'ombre ne doit subsister, il ose dire que ce sont les salafis et les tablirs qu'ils voulaient mettre à la même échelle, wal'iyadu billah, et non les salafis et les chiites. Wallahi, lorsque j'ai écouté ces paroles, comme l'a dit le compagnon Joubair ibn Mut'im, kada qalbi yatir, mon cœur a failli s'envoler. De mettre à la même échelle les salafis, qui se conforme au livre d'Allah Azza wa Jal, à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, à la compréhension des pieux prédécesseurs, mettre à la même échelle le groupe sauvé, le groupe victorieux, les gens du hadith, ceux qui suivent les traces des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui, à travers les siècles, purifient l'islam de tout ce qui aurait pu l'entacher comme forme de polythéisme, que ce soit le grand ou le petit, et comme forme d'innovation de toute nature. Comment ce frère Hadahullah peut-il mettre ces personnes, ces salafis, à la même échelle qu'un tabliri? Le tablir, pour ceux qui ne connaissent pas, est cette voie innovée et égarée, qui n'a même pas un siècle d'âge, et qui est basée sur un rêve que son fondateur, Mohammed Ilyas, a fait, une voie basée sur le soufisme et sur des pactes d'allégeance à certaines confréries soufies, une voie qui est truffée d'innovation et en contradiction avec plusieurs principes de notre noble religion. Une voie dont les adeptes n'appellent pas au tawhid et dont la plupart prêchent sans science, une voie qu'aucun savant n'a empruntée, qu'aucun savant de l'islam n'a empruntée. Bien au contraire, les fatawas des ulama, des gens de la sunna, se comptent par dizaines pour montrer l'égarement et la fausseté du mouvement tablir. Ceci est de la part de Nadir Abu Anas un manque de respect grave envers la salafia et les salafis, de les comparer et de les mettre à la même échelle que les tabliris. Et sachez, mes frères et sœurs, que lorsque j'ai cité cette parole à Cheikh Wasiullah, hafidhahullah ta'ala, lorsqu'il est venu en France se soigner, et je reviendrai plus en détail sur cette rencontre avec le Cheikh, hafidhahullah, le Cheikh a ri d'étonnement. Il a ri d'étonnement. Et il a d'ailleurs écrit une lettre manuscrite. Il a d'ailleurs écrit une lettre dans laquelle, à ma demande, hafidhahullah, il éclaircit sa position sur le fait d'assister à des séminaires dans lesquels sont présents des innovateurs et sur lesquels le Cheikh, hafidhahullah, explique sa position sur le fait de mettre la salafia et les autres groupes au même niveau. Voici, et je vais vous le lire, traduit directement, la parole de Cheikh Wasiullah en réponse à cette parole de Nadir Abu Anas. Il dit, hafidhahullah ta'ala, quant à la salafia, ce n'est pas une secte parmi les sectes, c'est plutôt le groupe victorieux, le groupe à qui l'on a annoncé la bonne nouvelle qui ne cessera d'exister, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de l'heure. C'est le groupe qui s'affilie au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, lui, alayhi salatu wa sallam, et eux, radiyallahu anhum, sont nos salafs, nos pieux prédécesseurs. Les bases de la salafia sont de prendre en considération et se reposer sur le livre d'Allah, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les athars des compagnons, radiyallahu anhum. Puis il dit, hafidhahullah, la da'wa salafia combat le sectarisme, et elle veut, c'est-à-dire cette da'wa salafia des musulmans, qu'ils s'accrochent tous au câble d'Allah ensemble sans se diviser, et il est interdit de comptabiliser la salafia avec les autres groupes et sectes, ni qu'elle soit citée lorsque l'on cite les groupes et les sectes. Écrit par Wasiullah Muhammad Abbas, hafidhahullah, présent à Paris le 24 Muharram de l'an 1433, soit le 20 décembre 2011. Bien évidemment, la lettre manuscrite de Cheikh est disponible. Elle est ici, je l'ai ramenée avec moi. Elle est disponible et si besoin, je demanderai, incha'Allah ta'ala, à ce qu'elle soit mise en ligne sur le site lavoiedroite.com. Voilà donc la réponse de Cheikh Wasiullah, hafidhahullah, à tous ceux qui, en rusant, voudraient extirper du Cheikh ce qui serait en leur faveur. Voici la réponse du Cheikh Wasiullah à Nadir Abu Anas, qu'il se conforme donc à la vérité et qu'il arrête de dénigrer la salafia et les salafis, lui et tous ses compatriotes, car par Allah, ils ne font de mal qu'à eux-mêmes. Et alhamdoulillah, j'ai appris que beaucoup de frères et sœurs les ont délaissés et n'assistent plus à leurs cours. Il y a même des démissions au sein même de leurs équipes, lorsqu'il est apparu à ces personnes sincères dans leur recherche de la vérité, qu'il y avait de nombreuses contradictions dans leur da'wah. Puis Nadir Abu Anas cite une quatrième erreur qu'il reconnaît du bout de la langue. Il dit, quatrième erreur qui se trouve dans un autre dars, de qui doit-on prendre la science? J'avais dit, bon, je trouve ça un peu tiré des cheveux, mais à la kulli hal, je vous en fais part quand même. Qu'il y a des savants qui sont forts en fiqh et faibles en hadith. Certains ont dit que je critique les savants parce que j'ai dit faible. Je n'aurais pas dû dire faible. On peut dire d'un savant faible. On ne peut pas dire d'un savant faible. Certes, j'aurais dû dire il y a des savants forts en fiqh, moins forts en hadith. Ça passe mieux. on aurait pu avoir le bon soupçon. Je dis à Nadir Abu Anas, Masha'Allah, quelle reconnaissance de l'erreur et surtout, quelle ruse encore une fois de ta part. Dans mon premier audio, les preuves d'une mise en garde fondée, j'avais pourtant parlé en français. Et j'avais cité texto les paroles de Nadir Abu Anas, je les répète encore une fois aujourd'hui. Il dit, le savant n'est pas parfait, personne n'est parfait. Certains sont spécialisés dans le hadith, faibles en fiqh. Et écoutez, d'autres, forts en fiqh et faibles en aqida. Et d'autres, forts en aqida et faibles en langue arabe. Est-il revenu sur cette erreur grave de qualifier les savants que certains d'entre eux sont faibles en aqida? La aqida qui est la croyance du musulman, ce sur quoi tout repose. Comment une personne peut être considérée comme un savant en étant faible en aqida wa l'ayadu billah? Je dis maintenant, est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux de reprocher à quelqu'un qui dit sur les savants, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les élites des musulmans, que certains sont forts en fiqh et d'autres en aqida, et faibles en aqida, et d'autres forts en aqida et faibles en langue arabe? Et pour le prétexte du bon soupçon, je lui réponds qu'il arrête de prendre les gens par les sentiments. Le prêcheur qui appelle à Allah Azzawajal se doit d'être clair et explicite. Et le hadith de Ad ibn Hatim radiyallahu anhu que j'avais cité dans mon premier audio était pourtant très clair. Rapporté par Muslim dans son sahih, lorsque un homme a fait le prêche, a fait un sermon, et a dit dans son sermon, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدْ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. Il a dit, celui qui obéit dans son sermon, en exhortant les gens, celui qui obéit à Allah et à son prophète, sera bien guidé. Et celui qui leur désobéit, aura dévié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ. Quel mauvais prêcheur tu es. Quel mauvais exhortateur tu es. Le prophète Hassan lui a dit, قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Dis, et celui qui désobéit à Allah et à son envoyé. Le prophète Hassan a réprimandé cet homme qui était le prêcheur de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il a dit « وَمَنْ يَعْصِهِمَا » au lieu de dire « وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ». Cela prouve que le prêcheur doit être explicite. Quand il parle, ses paroles doivent être claires. Elles ne doivent pas être ambiguës. Puis Nadir Abu Anas dit « Voilà donc les quatre erreurs que j'ai à vous communiquer. En dehors de ces quatre erreurs, celui qui parle, ouvrez bien vos oreilles, tout ce que l'on me reproche est soit mal interprété, soit faux, soit le respect de la divergence n'a pas été respecté par les accusateurs. » Fin de citation. Il revient donc sur quatre erreurs uniquement. Toutes les autres erreurs que j'ai citées dans mon audio, preuve à l'appui, ils ne les considèrent pas comme des erreurs, soit parce qu'elles sont mal interprétées, soit parce qu'elles sont fausses, ou soit parce que le respect de la divergence n'a pas été respecté, et je vais revenir sur chacun de ces points. Parmi les erreurs que je lui avais reprochées, le fait d'avoir attribué à Cheikh Al-Uthaymin et à Cheikh Al-Fawzan que de se dire salafi divise les musulmans. Certes, il y a certaines paroles de ces savants qui pourraient être comprises dans ce sens, et là je m'adresse à Nadir Abu Anas, comme l'ont compris avant toi les innovateurs et les ennemis de la salafia. Car il est facile de prendre des paroles de savants et de les comprendre comme bon nous semble. Mais celui qui recherche la vérité, celui qui est sincère, prend toutes les paroles de ce savant, les étudie et sort avec une conclusion. Et regarde chaque parole dans quel contexte elle a été dite. Et ne pas prendre la parole d'un savant qui a été dit dans un contexte particulier et de l'appliquer à une généralité. Concernant l'appellation salafi, les paroles des savants dans lesquelles on pourrait comprendre qu'ils condamnent cette appellation, celui qui les écoute verra que les savants, rahimahumullah, wa hafidhallahu man baqiya minhum, et qu'Allah préserve ceux d'entre eux qui sont encore vivants, condamnent le fait de se dire salafi pour celui qui le dit par vantardise. Ou pour celui qui fait du terme salafi un sectarisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire de considérer que le simple fait de se dire salafi fait que la personne est dans la vérité. Et comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, al-ibratu bil haqiqati la bil iddi'a. Ce qui est pris en compte, c'est la réalité de la personne et non pas le fait qu'elle se prétende salafi uniquement. Et nous, alhamdulillah, l'on dit à une personne qui s'est trompée, tu t'es trompé, même si elle se dit salafi, car la vérité est la lanterne de chaque musulman. Quant à celui qui se dit salafi, pour se différencier des gens de l'innovation, pour exprimer la voix des pieux prédécesseurs, des salafs qui l'empruntent, aucun des savants de la sunna ne l'interdit. Aucun des savants de la sunna ne l'interdit. J'avais déjà cité une parole de Cheikh Al-Uthaymin dans mon premier audio, en lequel le Cheikh, rahimahullah, cite le terme salafi, sans le condamner. Je vais vous citer une deuxième parole de Cheikh Al-Uthaymin, et il n'y en a pas que deux, il y en a plusieurs. Mais celle-ci, elle n'existe nulle part dans le web francophone. Et elle est très peu répandue et méconnue du public arabophone. Qu'Allah Azza wa Jal m'a permis de découvrir, et incha'Allah ta'ala, cette parole sera disponible en audio et sous-titrée dans le site lavoidroite.com. Je vous la traduis directement. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, dit, et écoutez bien, quant à surnommer les salafis par les talafis, car la question qui a été posée à Cheikh, que dites-vous de ceux qui disent que les salafis sont des talafis, en voulant se moquer d'eux? Qu'est-ce que des talafis? Ce sont ceux qui font des dégâts. Talafa shay'an, c'est-à-dire qu'il a détruit une chose, qu'il a causé des dégâts sur une chose. Écoutez bien la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Quant à surnommer les salafis par les talafis, ceux qui font des dégâts entre parenthèses, je suis en accord avec eux également. Et je dis, les salafis sont des talafis. Cheikh Al-Uthaymin dit, je suis en accord avec eux. Et je dis, les salafis sont des talafis, mais qui causent des dégâts aux innovations et font revivre la sunna du prophète alayhi salam. Et quel bon compagnon et quel bon peuple que sont les salafis. Et je ne veux pas dire par les salafis ceux qui sont sectaires, mais je veux dire par salafis celui qui suit ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans sectarisme. Je condamne l'ensemble du sectarisme, quelle que soit sa couleur et quelle que soit son appellation. Puis il dit, rahimahullah, je dis que la communauté musulmane est un seul parti. Et il cite la parole d'Allah Azza wa Jal, et quiconque prend pour allié Allah et son messager et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Le parti d'Allah, ce sont ceux qui s'accrochent à la législation d'Allah de façon apparente et cachée, ceux qui rejettent les innovations, petites soient-elles ou grandes, ceux qui ne font précéder aucune parole devant celle d'Allah et de son envoyé. Puis il dit, rahimahullah, voilà le parti d'Allah, salafi, athari, qu'il faut tous ensemble rejoindre. Tous ces soi-disant partis, c'est-à-dire en dehors de tout le parti d'Allah, le parti salafi et athari, tous ces soi-disant partis, qui en réalité sont un fardeau pour l'islam, doivent tous se dissoudre et fondre dans la coupelle du parti d'Allah. Et je veux dire par le parti d'Allah, celui qui suit la voie des gens de la sunna et du consensus. Quant aux autres, en dehors d'eux, ils n'appartiennent pas au parti d'Allah, même s'ils se nomment le parti d'Allah. Billahi alaykoum. Est-ce qu'il est plus clair que cette parole de Cheikh Al-Uthaymeen? Est-ce qu'il condamne ici l'appellation de le fait de se dire salafi? Ou est-ce qu'au contraire, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, défend les salafis contre ceux qui les attaquent et ceux qui les dénigrent? D'autres diffusent les paroles du mufti, Abdelaziz Al-Sheikh, qui, encore une fois, ne sont pas mises dans leur contexte. Et à tous ceux qui persistent dans leur entêtement, qu'ils m'expliquent donc cette parole enregistrée du mufti, hafizahullah, qu'il a dit, une parole qu'il a dit le 23 février 2012. Donc, après tout ce qui a pu être diffusé sur Internet. Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh a dit cette parole en répondant à une question lors d'un séminaire dans sa mosquée à Riyad. Dont le thème était autour du fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna et de comprendre ces deux sources comme les pieux prédécesseurs. Et encore une fois, et la louange appartient à Allah Azza wa Jal seul, Allah Azza wa Jal m'a permis par sa grâce de découvrir cet audio qui sera bientôt disponible, lui aussi, sur le site lavoiedroite.com. Quelle est la question posée au mufti, hafidhahullah? Question. Qu'Allah soit bienfaisant envers vous et qu'il vous récompense par le bien. Que dites-vous sur celui qui dit que le minhaj salafi, la voie des gens de la sunna et du consensus, est une voie innovée et qu'il suffit amplement aujourd'hui de dire que les musulmans sont musulmans? La réponse, Cheikh Hafidhahullah, nous sommes musulmans sans aucun doute. Par la volonté d'Allah, nous sommes musulmans croyants, mais nous suivons la voie de nos pieux prédécesseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons nous ont précédés. Ce sont donc nos ancêtres. Et nous suivons la voie qu'ils ont empruntée. Nous sommes musulmans par la volonté d'Allah, mais nous suivons le livre d'Allah et la sunna. Et prenons l'exemple des pieux prédécesseurs. Ce sont nos ancêtres et nous les suivons par la volonté d'Allah dans le bien et la piété. Et écoutez bien, lorsque nous disons salafi, c'est-à-dire que nous nous conformons au livre, à la sunna, que nous suivons le livre de notre Seigneur et la sunna de notre prophète et les ancêtres de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Fin de citation de Cheikh Saleh, de Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, hafidhahullah ta'ala. Une autre erreur que j'avais citée dans mon audio et sur laquelle Nader Abou Anas persiste lorsqu'il a dit « Moi, j'aime tous mes frères, tous les musulmans et quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent avec moi ou avec autrui. » Est-il revenu sur cette erreur ou peut-être ne la considère-t-il pas comme une erreur, je me permets d'ouvrir une parenthèse sur ce passage. Car on entend ce frère et ses compatriotes beaucoup insister sur l'amour qui doit exister entre les musulmans, que les musulmans doivent s'aimer entre eux. Vous les entendez souvent dire, lorsqu'ils commencent un cours ou une conférence, tout d'abord, sachez mes frères et sœurs que je vous aime en Allah. Ils disent, je vous aime en Allah, comme ils disent le salam. Bien sûr, l'amour qu'il doit y avoir entre les musulmans est une chose demandée. Qu'il est recommandé de dire à son frère, je t'aime en Allah. Lorsque, et on verra par la suite, lorsque effectivement cette personne mérite que tu lui portes ton amour. Il dit cela pour prendre les gens par les sentiments, mais vous ne les entendez pas parler du fait de détester pour Allah. Aimer pour Allah et détester pour Allah. Ce qui est appelé al-wala wal-bara. Et al-wala wal-bara fait partie des bases de la religion. Tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. Dans le hadith authentique, le hadith de Anas, le prophète sallam a dit man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah et qui prive pour Allah, a complété sa foi. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « Awthaqu ura al-iman, al-hubbu fillah, wal-burdu fillah. » Le plus haut degré de la foi est d'aimer pour Allah et détester pour Allah. Et les paroles des savants, des salafs sont nombreuses à ce sujet. Comme l'a dit l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, إذا أحدث الرجل حدثا ولم يبغضه من زعم أنه أخوه فمحبته لغير الله إذ لو كانت لله لغضب على من عصاه. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit, si un homme fait un péché et ne le déteste pas celui qui prétend être son frère, alors son amour envers lui n'est pas pour Allah. Car si son amour était envers lui était pour Allah, il se serait énervé contre celui qui lui désobéit. Et Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, a dit, « Man idda'a annahu yuhibbu abdan lillahi ta'ala wa lam yubghidhu idha asa Allah, faqad kadhaba fi da'wahu annahu yuhibbuhu lillah. » Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, a dit, « Celui qui prétend aimer un serviteur pour Allah, mais ne le déteste pas lorsqu'il désobéit à Allah, alors il a menti lorsqu'il prétend l'aimer pour Allah. » Bien sûr, le fait de détester pour Allah est proportionnel au péché commis. Tu ne détestes pas celui qui sombre dans la mécréance comme un musulman qui commet un grand péché. Tu ne détestes pas celui qui commet un grand péché comme celui qui en commet un petit et ainsi de suite. Et le fait de détester quelqu'un pour Allah, est-ce que cela signifie que tu ne dois pas lui prodiguer de conseils? Est-ce que cela signifie que tu ne dois pas lui prodiguer de conseils? La réponse est non. Tu lui prodigues le conseil. Est-ce que ça veut dire que tu dois être injuste envers lui et le dénigrer? La réponse est non. Tu peux très bien détester quelqu'un pour Allah en fonction du péché qu'il a fait, sans pour autant être injuste envers lui, et tout en lui prodiguant le conseil qui, par la volonté d'Allah Azzawajal, va lui permettre de se réformer. Et je dis à mes frères et sœurs qu'ils ne croient pas que cela est involontaire de la part de Nadir Abu Anas et de ses compatriotes, de ne jamais parler du fait de détester pour Allah. Car cela l'amènerait à dire des choses qui contrediraient son manhaj. Et je le dis en toute franchise, que la da'wa de Nadir Abu Anas et de ses compatriotes est la da'wa des frères musulmans. Sauf qu'ils essaient de la revêtir du vêtement de la compréhension des pieux prédécesseurs. Le rassemblement des musulmans ne peut et ne pourra se faire qu'autour du tawhid et de la sunna. Ces gens-là veulent rassembler les musulmans, quelles que soient leurs différences et quelles que soient leurs divergences. Bien sûr, ils vont vous dire, attention, nous n'acceptons pas celui qui contredit une base de la religion, juste celui qui diverge avec nous sur les branches de la religion. Ceci, encore une fois, est une ruse de leur part, car ils n'expliquent jamais dans les détails les sujets qui font partie des bases de la religion et ceux qui ne font pas partie des bases de la religion. Ils résument souvent les bases de la religion en disant « celui qui atteste qu'Allah est unique » ou « celui qui croit aux six piliers de la foi » sans jamais enseigner aux musulmans que le fait d'appeler au tawhid fait partie des bases de la religion. Et, entre parenthèses, le fait d'appeler au tawhid n'est apparemment pas une base de la religion pour Nadir Abu Anas. Et j'en ai pour preuve qu'il a dit à un frère de confiance, et c'est une parole qu'il ne pourra pas nier, il a dit, si je faisais des cours de tawhid, personne n'assisterait à mes cours. Vous ne les entendrez pas dire que Al-Wala et Al-Bara est une base de la religion, que de répondre à celui qui contredit la vérité est une base de la religion, que de mettre en garde contre les innovations et les innovateurs fait partie des bases de la religion. Où sont leurs mises en garde contre les frères musulmans, contre les tablir, contre les takfiris, contre les soufis, contre les Ash'ari et toutes les autres sectes en islam? Par contre, les mises en garde contre les salafis, alors là, il y en a à l'appel. Là, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour en écouter. Et pour ma part, je n'ai écouté, comme je l'ai dit en début, que 5 audios de Nadir Abu Anas, et wallahi, j'en ai eu plein les oreilles. J'en ai eu plein les oreilles sur les salafis. L'ennemi public numéro 1, pour lui et ses compatriotes, est le salafi. Et ils y vont à l'arme lourde. Et tous les coups sont permis. Il ne revient pas sur ses dénigrements envers les salafis, et je reviendrai sur ses propos plus tard. Et toutes les autres erreurs à la kulli hal que j'ai citées dans mon premier audio, preuves à l'appui. Il continue, Nadir Abu Anas, son éclaircissement et sa réponse en rentrant dans un autre sujet. Il dit, je cite, par exemple, moi, alhamdulillah, ça va. La fameuse vidéo, elle a fait un tremblement de terre sur le net. Certains limites m'ont fait comprendre que j'ai fait la fornication devant le minbar. Écoutez comment il parle. Certains limites m'ont fait comprendre que j'ai fait la fornication devant le minbar. Certains, il parle de qui? Il parle des salafis, encore une fois. Puis il dit, je le dis clairement, mise en scène, pourquoi tu en fais une, etc., etc. Fin de citation. Je réponds, toujours la même technique de la part de Nadir Abu Anas. La même ruse, faire passer les salafis pour des durs, des bourreaux, des brutes, des personnes sans scrupules. Wallahi, c'est étonnant. Selon Abu Anas, Nadir Abu Anas, quand on reproche maintenant à quelqu'un d'avoir fait une erreur en citant les preuves de cela et les paroles des savants, alors on devient coupable de qadhf. Et le qadhf, c'est le fait d'accuser quelqu'un d'adultère. Bien sûr que lorsque l'on innove des façons de faire la da'wah, comme Nadir Abu Anas en est lui-même vanté au début de cette misérable mise en scène qu'il a fait dans une demeure d'Allah Azzawajal. Lorsqu'au début, il s'est vanté en disant à ses auditeurs et à ceux qui étaient présents qu'aujourd'hui, ils allaient assister à une conférence ou à un cours qui aura une forme sans précédent. Et que un cours comme celui-ci, il n'en aurait peut-être jamais entendu ou il n'aurait jamais assisté à une telle conférence ou à une telle mise en scène. Et je dis à Nadir Abu Anas que bien sûr, cela provoque un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre prouve que, alhamdoulillah, il y a du bien dans cette communauté. Des personnes qui expriment leur colère quand les limites d'Allah azawajal sont dépassées et outrepassées. Il dit, pour justifier sa mise en scène, et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et je ne conseille pas de la voir, on voit un frère qui se fait passer pour un pervers et qui se fait exhorter par Nadir Abu Anas et son ami Rachid Abu Hudayfa. Et ce frère, et j'en profite pour le dire, le frère qui a ce rôle de pervers, qui s'appelle Samir, alhamdoulilah, il s'est repenti. Et il a fait savoir son repentir. Il a demandé à ce qu'il soit diffusé. Il regrette ce qu'il a fait après avoir pris connaissance des paroles des savants et des éclaircissements des savants sur l'interdiction d'utiliser les mises en scène comme moyen de faire dawa ou comme moyen tout court. Et il dit dans ce repentir qu'Allah Azza wa Jal lui accepte et qu'il lui donne une grande récompense pour cela, car de revenir à la vérité est quelque chose de noble. Et il explique notamment dans ce repentir que Nadir Abu Anas et Rachid Abu Hudayfa ont refusé de retirer la vidéo. Car ils étaient deux à considérer que c'était bien et lui n'avait qu'une voix. Je dis donc que Nadir Abu Anas dit, pour justifier, il dit, je cite, « La mise en scène, pour faire très bref, il n'y a pas unanimité sur son autorisation ni sur son interdiction. Moi et le frère Rachid Abu Hudayfa, lorsqu'on a fait cet audio, on s'est renseigné. » Je réponds, la mise en scène, tout d'abord sur les mises en scène, qui est, comme vous le savez, un moyen de da'wa utilisé par qui ? Est-ce que c'est un moyen utilisé par les savants de la sunna ? Est-ce que vous avez déjà vu Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, Cheikh Abdel-Muhsin Al-Abbad et les autres savants et mashayikh de la sunna faire des mises en scène dans leur da'wa ? La réponse est non, non et non. C'est un moyen de prêche utilisé par le groupe des frères musulmans. Et cela confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que la da'wa de ces frères est une da'wa, et la da'wa des frères musulmans, sauf qu'ils essayent de la revêtir de la compréhension des pieux prédécesseurs. Nadir Abu Anas dit, pour faire très bref, encore une ruse de sa part pour esquiver le sujet. Quand on répond sur des sujets liés à la sunna et à la bid'a, des sujets liés au halal et au haram, on ne fait pas bref. On expose de façon détaillée ses preuves, surtout quand on répond à des critiques. Quelle est sa preuve pour justifier cette mise en scène honteuse dans une demeure d'Allah ? Il dit, il n'y a pas unanimité sur son autorisation ni sur son interdiction. Fin de citation. Et là j'en profite, et je vous demande toute votre attention, pour évoquer un sujet extrêmement important. L'une des preuves qu'a apporté Nadir Abu Anas est qu'il n'y a pas d'unanimité sur le sujet. Autrement dit, qu'on ne peut pas faire de reproches, ni à ceux qui optent pour l'interdiction, ni à ceux qui optent pour l'autorisation. Et je réponds que ceci est une façon erronée de comprendre la religion. Ceci est une façon erronée de comprendre la religion. Ceci est une façon erronée de comprendre la religion. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit en réponse à la parole, point de reproche dans les sujets de divergence. Il dit, rahimahullah, ولو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق لذهب الدين كله لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين العلماء. Il dit رحمه الله, si nous disions point de reproche dans les sujets de divergence, alors la religion partirait totalement. Tu ne trouves presque pas de sujet sans qu'il n'y ait de divergence entre les savants. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, a dit: "Al-ikhtilaf laysa bihujjatin 'inda ahadin 'alimtuhu min fuqaha' al-umma illa man la basara lahu wa la ma'rifata 'indahu wa la hujjatan fi qawlihi." Il dit rahimahullah, la divergence n'est nullement une preuve chez tous ceux que je connais parmi les fuqaha, les juristes de la communauté. Cela ne peut émaner que de celui qui n'a pas de clairvoyance, pas de connaissance et dont la parole est vide de preuves. L'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, a dit, et je traduis directement la parole, il est possible qu'une réponse donnée sur un sujet soit son interdiction. Et que l'on vienne dire, pourquoi interdis-tu alors qu'il y a divergence sur le sujet? Il fait alors de la divergence une preuve de l'autorisation. Aucune preuve ne vient appuyer l'avis préconisant l'autorisation. Puis de dire, rahimahullah, et c'est l'erreur même dans la religion. وَهُوَ عَيْنُ الْخَطَأْ عَلَى الشَّرِيَةِ. De s'accrocher à ce qui ne mérite pas que l'on s'accroche et de considérer comme preuve ce qui n'en est pas une. Et l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, a dit, si un homme ne prenait en considération que les sujets sur lesquels il y a unanimité et délaissait tous les sujets à divergence dans lesquels il y a des textes, il serait alors considéré comme un pervers à l'unanimité des savants. لَكَانَ فَاسِقًا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ. Puis il dit, Nadir Abu Anas, lorsqu'on a fait cet audio, on s'est renseigné. Fin de citation. C'est ce qu'on appelle mettre la charrue avant les bœufs. La science intervient avant l'acte et la parole. Et c'est pourtant ce que l'on apprend aux petits débutants dans la science, notamment lorsqu'on leur enseigne Thalathatul Usul. Et vous connaissez tous la règle en islam que citait beaucoup Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, Istadil thumma a'taqid, wa la ta'taqid thumma tastadil fatadil. Recherche la preuve, puis adopte ta croyance, et prends garde à avoir une croyance, puis ensuite rechercher la preuve, car dans ce cas, tu t'égareras. Et c'est malheureusement ce que Nadir Abu Anas et son ami Rachid Abu Hudaifa ont fait sur cette mise en scène. Ils ont bel et bien suivi leur passion. S'ils avaient suivi le frère Samir dans son repentir, cela aurait été meilleur pour eux si seulement ils savaient. Revenir à la vérité, comme je l'ai dit, est une chose noble, et persister dans l'erreur est en soi une chose ignoble. Et j'en ai pour preuve que Nadir Abu Anas a suivi ses passions sur ce sujet. Et j'en profite par la même occasion de lui rafraîchir la mémoire. Lorsqu'il n'y a pas si longtemps, il a eu une longue discussion de 2 heures avec notre frère Abdul Karim Abu Abdillah. Discussion dans laquelle Nadir Abu Anas a formellement reconnu, je cite, qu'il a fait une grosse boulette. Au sujet de cette mise en scène. Quelques mois plus tard, voilà que ce même Nadir Abu Anas brandit la parole de Cheikh Abdullah Al-Mutlaq qui autorise les mises en scène. Et je reviendrai sur la fatwa de Cheikh Abdullah Al-Mutlaq et sur le respect de la divergence. Il dit, Nadir Abu Anas, toujours en continuant son argumentation, et il s'avère qu'un, parmi les savants, parmi les grands savants, les montagnes de ilm en Arabie Saoudite, qui est vivant jusqu'à nos jours. Point, fin de citation. Je dis encore une ruse de la part de ce frère, qu'Allah le guide. Car il sait très bien que Cheikh Abdullah al-Mutlaq est connu pour ses positions laxistes, notamment son autorisation de sortir avec le groupe des Tablir. Maintenant, je dis à Nadir Abu Anas qu'il nous dise qui parmi les savants ont qualifié Cheikh Abdullah al-Mutlaq de montagne de ilm. Cheikh Saleh al-Fawzan, qui lui est unanimement reconnu comme une montagne de ilm, a dit, lorsqu'on lui a exposé la fatwa de Cheikh Abdullah al-Mutlaq sur les mises en scène, Cheikh al-Fawzan a répondu, délaissez-le, c'est tout. Et d'ajouter ensuite, vous n'avez trouvé personne d'autre à questionner que lui. Cette parole de Cheikh al-Fawzan est largement diffusée sur Internet. Le deuxième argument cité par Nadir Abu Anas pour justifier cette mise en scène honteuse est la parole de Cheikh Abdullah al-Mutlaq. Et, me concernant, j'ai écouté la fatwa de Cheikh Abdullah al-Mutlaq du début à la fin. Il ne cite aucun verset, aucun hadith. Comparé à l'avis de la majorité des savants qui interdisent les mises en scène, les textes se comptent par dizaines. La parole d'un savant n'a jamais été et ne sera jamais une preuve en soi. Et je le dis toujours, que la preuve réside dans le Coran et la Sunna. C'est une parole qu'on entend, mais il faut pour autant la mettre en pratique. قَوْلُ الْعَالِمِ يُحْتَجُّ لَهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ. Ce n'est pas une règle que vous entendez toujours de la part des savants, que la parole du savant, l'on ne l'utilise pas comme une preuve en soi. On l'utilise pour appuyer une preuve, un hadith, un verset dans le Coran. Tu as un verset, tu as un hadith, tu utilises la parole d'un savant, tu utilises la compréhension du savant, la science du savant, pour puiser de ce hadith et de ce verset la science qui est nécessaire à pouvoir adorer Allah Azza wa Jal en toute clairvoyance. Puis Nadir Abu Anas dit, a donné le feu vert de faire des mises en scène, en parlant de Cheikh Abdullah al-Mutlaq, s'il y a un intérêt. Et nous on dit, l'intérêt c'est de frapper un coup sec sur les jeunes délinquants, les jeunes dans le show business, etc., les égarer. Alhamdulillah, je ne vous parle même pas du résultat. Ça, c'est entre nous et Allah. Je ne vous parle même pas de cette vidéo qui a été critiquée. Le résultat, le retour des gens, il a été impressionnant. On ne s'y attendait pas. Fin de citation. Le troisième argument cité par Nadir Abu Anas est donc l'intérêt de cette mise en scène honteuse. Quel est cet intérêt qui est de frapper un coup sec les jeunes délinquants? Je réponds à Nadir Abu Anas. S'il y a un intérêt à faire ce genre de mise en scène, et que tu considères réellement autoriser ces pièces de théâtre dans les mosquées, pourquoi alors frappes-tu un seul coup sec seulement? S'il y a vraiment un intérêt, et que cela est autorisé pour toi, pourquoi alors te contentes-tu de le faire qu'une seule et unique fois? Comment une personne ayant trouvé un moyen de da'wa qu'il considère autorisé et qui plus est apporte un résultat phénoménal et qui a un impact gigantesque, comment cette personne utiliserait ce moyen qu'une seule fois s'il est véridique avec lui-même, qu'il fasse alors des dizaines de sketchs de son genre? Sinon, c'est qu'il se ment à soi-même et qu'il trompe les musulmans en leur faisant croire qu'une chose interdite est en réalité autorisée. وَلَقَدْ صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Il a dit vrai عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ lorsqu'il s'est adressé à ces personnes qui innovaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisaient du dhikr de façon innovée dans la mosquée, il leur a dit, soit vous êtes dans une religion plus droite que celle de Muhammad, ou soit alors vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait-il la possibilité, s'il le voulait, de faire des mises en scène, de faire des mises en scène à moyen de da'wah? Répondez-moi, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les moyens de le faire, oui ou non? Oui, n'importe qui a la possibilité de faire La comédie, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient-ils la possibilité à leur époque de faire des mises en scène à moyen de da'wah? Oui. L'ont-ils fait? Non, non et non. Puis Nadir Abou Anas dit, donc je suis d'accord avec les frères quand ils disent que Cheikh Ibn Baz l'a interdit. Je comprends qu'il y a divergence. Je n'ai pas adopté cette opinion, je ne la critique pas. Entre guillemets, je ne la critique pas. Car il considère que ceux qui le reprochent comme s'il avait fait la fornication devant le minbar. Mais ce n'est pas une critique de sa part. Je n'ai pas adopté cette opinion, je ne la critique pas. Et je demande aux frères de ne pas critiquer l'opinion qu'on a choisie s'ils ne l'ont pas adoptée. Stop le respect de la divergence. Fin de citation. Stop le respect de la divergence. Comme si c'était aussi simple. Comme si la science, l'ilm, était quelque chose d'aussi expéditif. Cette fameuse phrase qui de nos jours malheureusement est utilisé pour cacher et défendre le faux, celui qui l'écoute et qui n'a pas la science suffisante l'acceptera à cœur ouvert. Maintenant, quel est le jugement de cette phrase en islam? Stop le respect de la divergence. Laissons les savants répondre. Et subhanallah, cette parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, elle peut être considérée comme une réponse directe à Nadir Abou Anas, tant dans le fond que dans la forme. Il dit, rahimahullah, et je l'ai dit en français directement, s'il veut dire par là des sujets de divergence, ceci est faux à l'unanimité des savants. فَإِنْ أَرَادَ الْقَائِلُ مَسَائِلَ الْخِلَافِ فَهَذَا بَاطِلٌ يُخَالِفُ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ. Les compagnons et ceux qui les ont suivis n'ont cessé de condamner celui qui diverge et se trompe, quelle que soit cette personne. Même si c'est la plus savante et la plus pieuse des personnes. Lorsqu'Allah a envoyé Muhammad par la guidée et la religion de vérité, il nous a ordonné de le suivre et de délaisser ceux qui le contredisent. Découle de cela que le savant qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis une faute. Il doit être alerté sur celle-ci et l'on se doit de condamner cela. Et s'il veut dire par là les sujets d'ijtihad, d'efforts de réflexion, à savoir des sujets de divergence dans lesquels la vérité n'apparaît pas, ceci est alors une parole vraie. Il est interdit à une personne de condamner une chose parce qu'elle est contraire à son mouvement ou contraire aux coutumes. L'on ne doit ordonner et condamner qu'avec science. Et tout ceci entre dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. On comprend donc de la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qu'il y a les sujets de divergence, مَسَائِلْ الْخِلَافِ, et les sujets d'efforts de compréhension, Masail al-ijtihad. Et là, soyez bien attentifs, car c'est sur cela que Nadir Abou Anas et ses compatriotes basent leur da'wah. Et c'est également sur cela que les frères musulmans basent leur da'wah. Al-Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit, les sujets de divergence sont de deux sortes. Les sujets dans lesquels l'on peut diverger, c'est-à-dire que la divergence est réellement présente et dépend de la compréhension. Dans ce cas de figure, on ne reproche pas au mujtahid. Quand il y a des sujets dans lesquels les preuves ne sont pas claires, qu'il y a des hadiths de part et d'autre, et que des savants ont compris ce hadith de cette façon, et d'autres ont compris ce hadith de cette façon, là, on ne fait pas de reproche, car ce sont des masail d'ijtihad. Il n'y a pas un hadith clair qui vient trancher le sujet. Puis, Cheikh Al-Uthaymin dit, la seconde sorte de divergence, celle où il n'y a pas lieu de faire un effort. Dans ce cas, on reproche à celui qui contredit, car il n'a pas d'excuse. On reproche à celui qui contredit, car il n'a pas d'excuse. Et l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, a dit, Dans l'Ilam al-Muwaqi'in, point de reproche dans les sujets de divergence qui permettent l'effort de réflexion. Une divergence dans laquelle les deux avis ont une approche différente. Quant à la divergence avec la présence d'un dalil du livre, ou la sunna, ou le consensus, al-ijma', ou l'analogie, al-qiyas, elle est mauvaise. Et il est obligatoire pour celui qui contredit la preuve de revenir dessus lorsqu'il en prend connaissance. Et écoutez bien la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comme il est obligatoire de condamner cette divergence. Point d'excuse pour celui qui connaît le dalil et son authenticité, puis le délaisse. Et Alam al-Muwaqqi'in, volume 2, page 300. Et je cite une quatrième parole de Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, un cheikh respectable de la Mecque, qui a de nombreux ouvrages et qui est notamment professeur à l'université islamique de la Mecque. Il dit, hafidhahullah, écoutez bien la parole de Cheikh Bazmoul. Parmi les phrases mal interprétées, leur parole, c'est-à-dire la parole des savants, point de reproche dans les sujets de divergence. Certains pensent que cette phrase signifie tout sujet dans lequel il y a divergence, il est interdit de faire des reproches. De ce fait, il est interdit de condamner un mal, sauf si celui-ci fait l'unanimité des savants. N'est-ce pas quasi textuellement ce que dit Nadir Abu Anas? La réponse est oui. Qu'est-ce que Cheikh Mohamed Bazmoul dit? Cette compréhension est fausse et découle de cette compréhension l'abandon d'ordonner le bien et d'interdire le mal, car dans la plupart des sujets de religion, il y a une divergence des savants. Puis il dit, hafidhahullah, la vérité, ce que les savants veulent dire par cette parole, point de reproche dans les sujets de divergence, que les sujets dans lesquels la preuve qui doit être suivie n'apparaît pas clairement, qu'on ne doit pas être dur dans la condamnation ni faire preuve de méchanceté. Ainsi, les sujets de divergence sont de deux sortes. Les sujets de divergence dans lesquels apparaît une preuve à laquelle on doit revenir. Ici, il est obligatoire de mettre en pratique le dalil, la preuve, et rejeter l'avis qui contredit cette preuve. Et l'on doit reprocher à celui qui suit l'avis contraire au dalil. Deuxièmement, les sujets de divergence dans lesquels n'apparaît pas une preuve à laquelle on doit revenir. C'est un sujet dans lequel les textes sont nombreux et les compréhensions diffèrent. Ceci est un sujet d'ijtihad, d'effort de réflexion. Nul reproche, nulle dureté envers celui qui adopte l'avis contraire. Il doit être conseillé afin de suivre l'avis qui est le plus prépondérant. À cette deuxième sorte de, c'est cette deuxième sorte de divergence qui est voulue dans cette parole que certaines personnes ont comprise sans détailler. Et parmi ces personnes, Nadir Abu Anas. Maintenant que cet éclaircissement est apporté, revenons au sujet des mises en scène, des sketchs, des pièces de théâtre, appelez-les comme bon vous semble. Est-ce que c'est un sujet de divergence dans lequel les preuves sont claires et apparentes? Ou alors, est-ce que c'est un sujet dans lequel les preuves sont nombreuses et les efforts de réflexion des savants divergent? Si la preuve est claire et apparente, est-ce qu'on a le droit de reprocher à ceux qui l'autorisent? Oui ou non? Oui. Si la preuve n'est pas claire et apparente et qu'il y a des dalils, des preuves de part et d'autre, et que les savants ont une approche différente de ces dalils, est-ce qu'on a le droit de reprocher? On s'abstient. Ce sujet fait-il partie de la première catégorie ou de la deuxième? Les savants qui interdisent, et c'est la majorité des savants, pour cela que ce frère, Allah yahdih, est parti fouiner sur Internet pour trouver une parole d'un savant qui vient justifier la grosse boulette qu'il a lui-même admise. Les preuves des savants qui l'interdisent disent que c'est une ressemblance aux non-musulmans. Les mises en scène, les pièces théâtrales, tout ça, ce ne fait pas partie des actes des musulmans. C'est des choses qui sont propres aux non-musulmans. Donc de les faire reviendrait à leur ressembler, et les preuves qui interdisent aux musulmans de ressembler aux non-musulmans sont plus que nombreuses. Deuxièmement, les savants disent que c'est du mensonge de se faire passer pour une personne que l'on n'est pas. D'autant plus grave lorsque l'on se fait passer pour un pervers, voire un mécréant. Troisième preuve, l'un des buts le plus souvent est de faire rire pour capter l'attention. De faire rire pour capter l'attention. Et même si l'on dit que le but n'était pas de faire rire, au final, cette mise en scène a fait rire. Et elle a même fait rire ceux qui, soi-disant, exhortaient ce frère qui se faisait passer pour un pervers. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Malheur à celui qui parle en mentant pour faire rire l'assemblée, malheur à lui, malheur à lui. » Waïlullahu, waïlullahu. Dans ces mises en scène, il y a des jurons mensongers. La personne est amenée, dans ces mises en scène, à jurer que telle chose est vraie, qu'il a fait telle et telle chose, qu'il a dit telle et telle chose, alors que tout est fictif. Parmi les preuves des savants, et que cela change la création d'Allah à travers des déguisements, en simulant des handicaps, etc. Sixième preuve, que cela amène à se moquer de la religion et des musulmans. Surtout lorsque l'acteur représente un pervers et qu'il est amené à se moquer ou ridiculiser l'islam et les musulmans tout en sachant la gravité de cet acte. Et il y a bien d'autres preuves que les savants ont citées, et pour celui qui veut plus de détails, qu'il revienne au livre de Cheikh Ibn Burjus, rahimahullahu ta'ala, Iqaf al-Nabil ala hukm al-Tamthil. Un livre que Cheikh Ibn Burjus, rahimahullahu ta'ala, a fait sur l'interdiction des mises en scène et des pièces théâtrales. Ceux qui l'autorisent, quelle est leur preuve? Premièrement, que c'est un moyen de substitution qui peut être offert aux musulmans pour leur enseigner la religion au lieu d'aller au cinéma et autres. Est-ce que cela est une preuve? La réponse est non. La deuxième preuve qu'ils citent, et c'est plus une ambiguïté qu'une preuve, ils disent que Jibril, alayhi salam, est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous l'apparence d'un homme aux cheveux très noirs et aux vêtements très blancs, et qu'il a enseigné l'islam, la foi et la bienfaisance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez tous le hadith de Jibril. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, ceci, de la part de Jibril, alayhi salam, peut être assimilé à une mise en scène. Il est venu sur une apparence qui n'est pas la sienne, et il a posé des questions à laquelle il connaissait des réponses, etc., etc. Et les savants ont répondu, alhamdulillah, à cette ambiguïté. Premièrement, est-ce qu'il est interdit de poser une question à laquelle on connaît la réponse? La réponse est non. La preuve que c'est autorisé, c'est que Jibril, alayhi salam, l'a fait. Jibril, alayhi salam, n'est-ce pas lui qui transmet la révélation d'Allah au prophète, sallallahu alayhi salam? Oui ou non? Oui. Ensuite, les savants ont dit que l'apparence prise par Jibril, alayhi salam, est un ordre d'Allah, azza wa jal, qui lui a été adressé. C'est Allah qui lui a ordonné de venir sous la forme humaine. Et les anges, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah, les anges, ne désobéissent pas lorsqu'Allah leur ordonne une chose. Qui a ordonné à toutes ces personnes qui font des mises en scène d'en faire? Est-ce que c'est un ordre de la part d'Allah Azza wa Jal? Non. Prendre, les savants ont dit également, que prendre l'apparence humaine pour Jibril est une réalité, ce n'est pas une fiction. Car Allah Azza wa Jal a donné à Jibril et à d'autres anges la capacité et le pouvoir d'avoir une forme humaine. Ce n'est donc pas une mise en scène, c'est une réalité. Et bien d'autres preuves que les savants utilisent. On voit bien, après avoir énuméré les différents avis, que nul doute que l'avis qui est appuyé par les preuves claires et évidentes est l'avis qui interdit les mises en scène. Et c'est l'avis de la majorité des savants. Et si des personnes optent pour le second avis qui n'est fondé sur aucun dalil, nous avons le droit de faire le reproche et de leur condamner cela. Puis, Nadir Abou Anas dit et parle d'un autre sujet. Pour ce qui est des fréquentations, on me dit tu fréquentes des égarés, des innovateurs. Pourquoi ? Parce que je suis parti à Liège, en Belgique, dans un séminaire, et il y a une personne dont certains prétendent qu'il est innovateur. Fin de citation. Dont certains prétendent qu'il est innovateur. Il parle ici de qui ? De Hassan Hamdouni. Et j'avais demandé à Nadir Abou Anas de montrer sa position vis-à-vis de Hassan Hamdouni, qui a une croyance ash'arite, qui appelle à cette croyance et qui ne s'en cache absolument pas. Nadir Abou Anas a-t-il montré sa position vis-à-vis de ce Hassan Hamdouni? La réponse est non. Il aurait pu montrer sa position, montrer la fausseté et l'égarement de la croyance ash'arite, et qu'elle est contraire à la croyance des gens de la Sunna. Pourtant, la croyance au nom et attribut d'Allah Azzawajal, n'est-ce pas un sujet qui fait partie des fondements de la religion? N'est-ce pas un sujet qui fait partie de Usul ad-Din? Cela confirme que la méthodologie empruntée par Nadir Abou Anas et par ses compatriotes est qu'ils ne mettent pas en garde les musulmans contre les gens de la passion. Puis Nadir Abou Anas dit « Par contre, je suis invité dans un endroit. Est-ce que je dois poser la question ? Alors, le responsable, il a quoi comme croyance ? Et les frères qui sont dans le séminaire, dis-moi-en plus sur eux. Et bien là, il y a des opinions sur ça. Et en ce qui me concerne, écoutez bien, j'adopte une opinion qui est basée sur un grand savant qui vit à La Mecque et qui donne des cours dans la mosquée de la Kaaba et qui nous a visités en France et qui est Cheikh Wasiullah Hafidahullah Ta'ala. Je l'ai eu au téléphone, moi-même, en personne. Je lui ai dit, ya Cheikh, je suis un parmi les Toulab Ilm en France. Il m'arrive d'être invité dans des endroits où je ne sais pas s'ils sont sectaires. Est-ce qu'ils ont une bonne croyance ou pas ? Est-ce que c'est des égarés ou pas ? Il m'a dit, il parle de Cheikh Rasulullah, il m'a dit, si c'est des polythéistes, vas-y. Si c'est Sarkozy en personne qui t'invite, vas-y pour lui apprendre l'islam. Je n'ai pas besoin de jurer par Allah. Ma parole, bi'idhnillah, Allah en est témoin. Ensuite, je lui ai dit, oui, mes chers, si je participe à cet événement, il est possible qu'on m'associe à certaines personnes présentes et qu'on me colle une étiquette. Par exemple, si je suis invité par des tablirs, on dit, voilà, il est parti dans la mosquée des tablirs, c'est un tablir. Al-Muhim, je lui ai dit, ya chers, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je me présente dans un endroit où que je ne me présente pas dans un endroit où ma réputation peut être salie? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas une bonne croyance ou une bonne méthodologie dans la compréhension des textes ou dans leur manhaj. Il m'a dit, va, et c'est ma fatwa, et c'est ma responsabilité. Va dans cet endroit et enseigne le bien, etc., etc. Puis de dire, c'est la fatwa de Cheikh Wasiullah. Il est encore en vie, celui qui veut son numéro pour l'appeler et avoir confirmation de ses dires, et par l'arabe, bi'idhnillah, je lui donnerai. Je réponds à Nadir Abou Anas. J'ai fait bien mieux qu'appeler Cheikh Wasiullah, hafidahullah ta'ala, car il est pour moi hors de question de laisser des gens instrumentaliser nos savants salafis. J'ai donc profité de la venue de Cheikh Wasiullah en France pour lui rendre visite à plusieurs reprises. Et entre autres, lui exposer les paroles de Nadir Abou Anas que j'ai retranscrites et traduites au Cheikh Hafidahullah Ta'ala. Et Allah en est témoin. Et des frères sont présents pourront en témoigner aussi que lorsque j'ai lu les paroles de Nadir Abu Anas, Sheikh Wasiullah a souri et a dit « Hadha laysa uslubi ». Ceci n'est pas ma façon de m'exprimer. Notamment lorsque Nadir Abu Anas lui attribue la parole « Va, c'est ma fatwa, c'est ma responsabilité ». Sheikh Wasiullah, hafidhahullah ta'ala, a alors décidé d'écrire une lettre manuscrite signée et datée qu'il m'a remis en main propre. Voilà ce que le cheikh a écrit, je vous le traduis directement. Certains frères m'ont rapporté qu'une personne de France m'a appelé afin de me questionner sur le fait de participer à des assises dans lesquelles participent des personnes dont il ne sait pas si ce sont des hizbis, de même qu'il ne connaît pas le bien fondé de leurs croyances. Peut-il participer à leurs colloques et leurs assises ? Je dis, Cheikh Wasiullah qui parle, oui, je me souviens qu'une personne m'est questionnée au sujet de cette participation. Je lui ai dit, s'il te donne l'opportunité de parler dans ce genre d'assises, alors participe et transmet leurs croyances authentiques. Cheikh a dit, s'il te donne l'opportunité de parler dans ce genre d'assises. Quel genre d'assises ? Celles dans lesquelles on ne connaît pas. Celles dans lesquelles on ne sait pas si ce sont des hizbis et lorsque l'on ne connaît pas le bien fondé de leurs croyances. Que l'on mette les paroles de Cheikh, hafidhahullah, dans leur contexte. Et sa parole est écrite. Et comme je l'ai dit, je la mettrai à disposition si besoin il y a. Puis Cheikh Hafidhahullah dit, je lui ai dit, dans certains cas, comme cela est présent en Grande-Bretagne, l'État donne l'opportunité à des sectes et groupes d'exposer leur avis. Ils invitent les chiites, les sunnites, parfois même les qadiani. Qadiani, qui est une secte dont le gourou est Ahmed Ghulam Al-Qadiani, qui prétend être un prophète. Dans ces situations, Cheikh Wasiullah dit, dans ces situations, lorsque tu es invité à montrer la aqida salafiya, regardez les termes que Cheikh a choisis, la aqida salafiya, ou ton avis sur les sujets exposés, alors assiste obligatoirement afin de ne pas laisser le terrain aux innovateurs. Lorsqu'on nous appelle à débattre et exposer nos positions avec les gens de l'innovation, on se doit de répondre obligatoirement. C'est la deuxième parole de Cheikh Wasiullah Hafidhahullah. Puis il dit, écoutez bien la parole de Cheikh. Par contre, lorsque tu connais leurs croyances, comme le groupe des Tablir, et plus particulièrement, lorsqu'ils ne te laissent pas parler, commenter et expliquer, alors n'assiste pas juste pour assister. Écoutez bien la dernière parole de Cheikh. Quant au commun des gens, Ammatun Nas, qui ne distingue pas le vrai du faux, il leur est obligatoire de prendre garde à eux et de ne pas assister à leurs assises afin de ne pas être imprégné par une croyance fausse. Donc, lorsqu'il y a des séminaires ou des débats, lorsqu'il y a des salafis et des innovateurs, est-ce que la masse des gens y assiste ? La réponse est non. Est-ce qu'on a le droit de faire la promotion de ce genre de rencontres et d'en faire la pub pour que les gens justement y assistent ? La réponse est non. Wasiullah Abbas, actuellement à Paris, le 24 Muharram 1433, correspondant au 20 décembre 2011. Puis Nadir Abu Anas dit, et sachez mes frères et sœurs que j'ai pris la décision ferme, et ça c'est depuis un certain temps, vous l'avez peut-être remarqué, de ne plus répondre à ce qui est attaque sur le net, que ce soit par écrit ou audio, je n'y répondrai plus, sachant que si les gens me considèrent comme un frère en islam, un frère a des droits, parmi ces droits c'est le conseil, si je me trompe, j'ai le droit au conseil, je vais continuer à me tromper et j'aurai besoin de conseil. Je ne suis pas infaillible. Normalement, s'ils me considèrent comme un frère, ils vont venir discuter avec moi d'abord. Fin de citation. Je dis, Anas ibn Abu Anas, toujours la même technique. Prendre les gens par les sentiments et faire passer les salafis pour des injustes et des offenseurs. Quant aux attaques, cher Anas ibn Abu Anas, c'est toi qui les as commencées en critiquant les salafis. Dans les quelques audios que j'ai pu entendre, et Allah Azzawajal est le plus savant de ce qu'il y a dans les autres audios que je n'ai pas écoutés. Tu as peut-être oublié tes paroles, mais sache que les anges scribes les ont bel et bien inscrites. Lorsque tu as dit, aujourd'hui, comment c'est un plaisir d'entendre les jeunes dire bid'a, bid'a, bid'a, bid'a, ça perce les oreilles. Lorsque tu as dit, les gens ils s'entendent pas parce qu'ils prient pas comme moi, parce qu'ils ne s'habillent pas comme moi, parce qu'ils n'écoutent pas mes chouyours. Ah, ça c'est important. Si tu écoutes mes chouyours, tu vas au paradis. Si tu n'écoutes pas mes chouyours, tu vas en enfer. Billahi alaykoum. Est-ce qu'un salafi a déjà dit une parole comme ça? Lorsque tu as dit, aujourd'hui, comme il disait le frère, pour un pantalon, tu n'es plus mon frère. T'es plus mon frère. Tu n'as plus le droit de me dire salamu alaykoum. Tu fais taouba, tu reprononces la shahada et tu me parles, sinon t'es pas mon frère. Et lorsque tu as dit, va voir le nombre de divorces qu'il y a dans ces couples, en parlant des couples salafi. Où tu vois le frère, mashallah, il a la sunna extérieure, mais dans sa langue et dans son cœur, il a du poison. Il a le comportement d'Abu Jahl et Abu Lahab. Lorsque tu as dit, les jeunes, aujourd'hui, c'est trop marrant, hein, ils apprennent 2-3 hadiths, 2-3 mots, et c'est parti, ils sortent la calache et ils tirent sur tout le monde. Et lorsque tu as dit, ça fait 2 mois, il fait salat, mais sa langue, ya akhi, c'est une tronçonneuse. Sur qui? Sur les savants. Fin de citation. Ce ne sont pas des attaques contre les salafis. Il est facile et simple de se défouler sur le salafi et ensuite de jouer le rôle de la victime. Ma lakum kayfa tahkumun. Quelle est cette façon de juger? Et quand on dévoile les attaques et les ruses de ce frère, et quand je dévoile et je montre au frère ses attaques et ses ruses, je deviens alors l'injuste et l'opprimeur. Et lorsque tu dis, sachant que si les gens me considèrent comme un frère en islam, un frère a des droits, parmi ses droits c'est le conseil, insinuerais-tu par là que je te considère mécréant? Si c'est ce que tu insinues, quel immense mensonge tu as alors forgé. Si ce n'est pas ce que tu insinues, alors pourquoi remets-tu en cause le fait que tu sois mon frère en islam? Pour ce qui est de la réplique avant le conseil, je l'ai dit dans mon premier audio, il n'y a pas de mal à le répéter encore une fois. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Celui qui se trompe en privé, il est interdit de dévoiler son erreur en public. Celui qui a fait une erreur en privé, on le conseille en privé. Si tu as vu ton frère boire de l'alcool dans sa chambre, caché de tout le monde, conseille-le en privé, ne va pas le dévoiler en public. Quant à celui qui se trompe en public, ce n'est pas une condition de le conseiller avant la réplique. J'ai cité pourtant la parole de Cheikh Ibn Baz, la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahum Allah, et la parole d'autres mashayikh. Et je dis d'ailleurs à Nadir Abu Anas, où est passé le respect de la divergence sur ce sujet? Pourquoi me blâmes-tu de ne pas t'avoir conseillé en privé avant ma réplique, alors que c'est l'avis de nombreux savants? Je les ai pourtant clairement exposés, à moins que pour toi, on ne respecte pas la divergence quand on n'est pas d'accord avec les salafis. Indulgent envers les groupes déviants et dur avec les salafis, telle est ta devise. Et pour conclure, mes frères et sœurs, je vous mets en garde contre ces prêcheurs que j'appelle les prêcheurs « people ». Ceux qui n'empruntent pas le chemin des savants dans l'appel à Allah Azzawajal. On les voit utiliser des moyens innovés pour appeler à l'islam. Ces prêcheurs qui se filment à tout va. Ils se filment en train de manger et boire. Ils se filment en train de faire du ski. Ils se filment à bord de leur bateau en vacances. Ils se font interviewer sur leur personne et leur parcours dans la science quasi inexistant. On voit leurs photos partout sur Internet. Certains même mettent leurs photos en page d'accueil de leur site. D'autres ont outrepassé les limites et osent faire les mouftis en répondant aux questions en direct par téléphone, sans pudeur et en parlant dans la religion d'Allah sans science. Le comble du paradoxe, c'est que malgré tout ce que je viens de citer à l'instant, je découvre que Nadir Abu Anas a fait une vidéo qu'il nomme « On n'est pas des stars ». Après avoir constaté l'exagération des gens à son sujet, et je lui dis « Tu as une grande responsabilité dans cela. Tu ne prends pas l'exemple des savants dans l'appel à Allah Azza wa Jal. » Et j'ouvre ici une dernière parenthèse et je conclurai par cela. Je vous avais dit dans mon premier audio que Nadir Abu Anas ne citait pas de façon claire de qui il prend la science. Il a récemment franchi ce pas et en connaissance de cause, il a donné ses directives aux jeunes francophones sur les savants et les meshaïrs de qui l'on doit prendre la science. Ces directives ne m'ont en aucun cas étonné. Au contraire, elles n'ont fait que confirmer mes positions. Pour vous résumer, ce qu'il a dit dans cette conférence « Prête-moi ton cœur », il cite tout d'abord, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Puis, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Ensuite, en troisième position, cite-t-il Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, Cheikh Muhammad Aman Al-Jami, cite-t-il Cheikh Hamad Al-Ansari, cite-t-il Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh Al-Mufti. Est-ce qu'il cite en troisième position Cheikh Abdullah Al-Rudayyan ou Cheikh Salih Al-Fawzan ou Cheikh Salih Al-Haydan ou Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ou bien cite-t-il Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali ou Cheikh Abdul Aziz Al-Rajihi ou bien alors Cheikh Ahmad ibn Yahya Al-Najmi rahimahullah, Cheikh Zayd Al-Madkhali, Cheikh Wasiullah Abbas? A-t-il cité Cheikh Saad al-Shathri? A-t-il cité en troisième position Cheikh Salih al-Suhaymi ou bien Cheikh Ali ibn Nasir al-Faqihi ou bien Cheikh Ubaid al-Jabiri ou bien Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab al-Wasabi du Yémen ou Cheikh Muhammad al-Imam et tous les autres savants et mashayikh de la Sunna? Les a-t-il cités en troisième position? Eh bien, non. Il cite en troisième position Muhammad Hassan, puis Muhammad Al-Arifi, puis Nabil Al-Iwadi. Pourquoi recommande-t-il ces personnes? Et là, tenez-vous bien. Parce que l'argument qu'il a cité, Wallahi al-Azim, c'est la première fois que je l'entends de ma vie. L'argument, il recommande Muhammad Hassan, Muhammad Al-Araifi et Nabil Iwadi parce qu'ils ont beaucoup de vidéos sous-titrées sur Internet. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Maintenant, ce n'est plus le savant qui est reconnu pour sa science et sa droiture qu'on conseille aux jeunes, mais c'est celui qui a le plus de vidéos sous-titrées sur Internet. Quant à Muhammad Hassan, les savants et les mashayikhs ont clairement montré ses erreurs. Et est-ce que ce sont des jeunes dans la religion qui ont parlé sur Muhammad Hassan? Non, ce sont des savants et des mashayikhs. Et ces savants et ces mashayikhs, l'ont-ils calomnié, ont-ils menti à son sujet? Non, ils ont apporté les preuves de ce qu'ils reprochent. Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab al-Wasabi, hafidhahullah du Yémen, un savant du Yémen, a été questionné au sujet de Muhammad Hassan. Il a dit: ne lisez pas ses livres et n'écoutez pas ses audios. Pourquoi? Car il a cautionné le soulèvement qu'il a eu en Égypte. Mohamed Hassan, qu'Allah le guide, s'est même rendu sur la place Tahrir avec sa famille et cautionné un soulèvement contre un gouverneur musulman ou contre un gouverneur non musulman sans en avoir la capacité, contredit une base de la religion. Dans les livres d'I'tiqad, on écoute et on obéit au gouverneur musulman, même s'il est injuste. Même, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il prend ton argent et frappe ton dos. Une base, c'est donc une base de la croyance des gens de la sunna. Et cela, en soi, suffit pour ne pas prendre la science de lui. Quant à Muhammad al-Araifi, qu'Allah le guide, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les savants ont parlé, et les mashayikhs ont exprimé. Pourquoi remettre en cause les paroles de nos savants et de nos mashayikhs? Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, a été questionné au sujet d'une position de Muhammad al-Araifi, lorsqu'il a dit justement, dans ce hadith rapporté par Muslim, « Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak » La question posée à Cheikh al-Fawzan, « Ma ra'yukum fi man yaqul »« Inna haditha isma' wa ati' wa in daraba dhahrak »« Innama yantabiqu idha kana al-hakim wa asluhu adila » Cheikh, quel est votre avis sur celui qui dit, sur le hadith, écoute et obéis, même s'il frappe ton dos, que ce hadith s'applique lorsque le gouverneur est juste à la base et lorsqu'il s'en prend à une personne en particulier. Mohamed al-Arifi a expliqué ce hadith de cette façon. Le professeur Hassan a-t-il parlé de façon générale ou de façon particulière? De façon générale. Le professeur Hassan a parlé de tous les gouverneurs musulmans et de tous les musulmans, tous ceux qui pourraient être subis et victimes d'une maltraitance. فقال الشيخ هذا كلام من عنده هذا أنا سمعته هذا كلام من عنده ما هو يفسر كلام الرسول بهذا الشيء هذا كلام من عنده هذا صاحب هوى يريد أن يفسر كلام الرسول على هواه وعلى طلبه ما يجوز هذا هذا يقول على الرسول ما لم يقول عليه الصلاة والسلام هذا خطر عظيم. Il a dit Cheikh al-Fawzan, est-ce que Cheikh al-Fawzan, c'est un jeune qui vient d'apprendre 2-3 hadiths et qui tire avec sa calage sur tout ce qui bouge? N'est-ce pas un grand savant de l'islam? Il a dit, hafidhahullah, ceci est une parole venant de lui-même. Ceci, je l'ai entendu. Cheikh al-Fawzan a entendu cette parole. Donc il sait très bien de qui il s'agit et il sait très bien de quoi il s'agit. Ceci est une parole de lui-même. L'on n'explique pas la parole du professeur Hassan de cette façon. Ceci est une parole qui émane de lui. Celui-ci suit ses passions. Hada sahibu hawa. Il veut expliquer la parole du professeur Hassan selon ses passions. Ceci est interdit. Ceci revient à dire que sur le professeur Hassan une chose qu'il n'a pas dite. Et ceci est un immense danger. وَهَذَا خَطَرٌ عَظِيمٌ. Une autre parole de Cheikh al-Fawzan sur Muhammad al-Araifi. Il a été questionné à Cheikh al-Fawzan. أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ إِنَّ الْفِتَنْ قَدْ كَثُرَتْ وَالدُّعَاتُ الْمُضَلِّلِينَ قَدْ كَثُرُوا وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ الدُّعَاتِ يَقُولُ لِلْجُمْهُورِ يَدْعُو يَهُودِيَّةً لِلْإِسْلَامِ فقرأ من سورة مريم ثم قرأ كلاما عاديا رتله كترتيل القرآن ثم قال مازحا للجمهور هذه سورة التفاحة فما حكم هذا وهل يعد هذا استهزاء بالقرآن؟ الجواب نعم إذا كان يأتي بكلام من عنده ويشبهه بكلام الله ويرتله مثل ما يرتل كلام الله ويسميه سورة فهذا على خطر عظيم قد يرتد بهذا الكلام وإن كان مازحا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالذي يمزح بالقرآن ويجيب كلام الله ويقول هذا مثل القرآن ويرتله ويوهم الناس أنه قرآن هذا يرتد بهذا العمل. La question posée à Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Les tentations sont nombreuses. Et les prêcheurs égareurs sont nombreux. Et j'ai entendu certains de ces prêcheurs dire à une assemblée qu'il a invité une juive à l'islam. Il lui a lu une partie de Sourat Maryam, puis a lu des paroles normales qu'il a psalmodiées comme on psalmodie le Coran. Puis il a dit à l'assemblée en rigolant, ceci est Sourat la pomme. Ceci est Sourat la pomme. Quel est le jugement de ceci? Et ceci est-il considéré comme une moquerie vis-à-vis du Coran? Mohamed Al-Uraifi, qu'est-ce qu'il a fait? Il cite comment il a appelé à l'islam une juive et il lui a récité des versets de Sourate Maryam. Puis, il a dit des paroles de venant de lui qu'il a psalmodié en arabe et il a demandé à cette femme juive est-ce qu'elle trouvait une différence entre les deux, sachant qu'elle ne comprend pas l'arabe. Pour prouver que l'on pourrait différencier la parole d'Allah de celle qui n'est pas la parole d'Allah, même pour quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe. Pour vous dire le contexte. Et, en psalmodiant ces paroles, il a dit à l'assemblée, celle-ci, c'est Sourate At-Tuffaha. C'est Sourate la pomme. Wal'ayadu billah. Qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a répondu? Oui. Si cette parole vient de lui, et qu'il l'a fait ressembler à la parole d'Allah, et qu'il la psalmodie comme on psalmodie la parole d'Allah, et qu'il l'appelle surat, celui-ci encourt un immense danger. Il peut sortir de l'islam par cette parole, même s'il plaisante. Et il cite la parole d'Allah Azzawajal, dit est-ce d'Allah, de ses versets, de son prophète, dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Celui qui plaisante sur le Coran et qui ramène des paroles de lui-même et dit ceci comme le Coran ou le lit, le psalmodie et fait croire aux gens que c'est un Coran, celui-ci apostasie. N'allez pas dire que Youssef Abou Anas dit que Mohamed Al-Arifi est un mécréant ou que Cheikh Al-Fawzan dit que c'est un mécréant. قد يرتد بهذا الكلام الشيخ الفوزان dit قد يرتد بهذا الكلام mais en tout cas la moindre des choses c'est que c'est une parole extrêmement grave. Ce même Mohamed Al-Araifi, et j'insiste sur cela pour répondre entre ceux qui disent les salafis passent leur temps à faire les mises en garde, c'est leur passe-temps favori. Je dis à ceux qui disent cela, écoutez mes cours sur Internet, il y en a à peu près 500, et dites-moi si je passe mon temps à parler sur les prêcheurs et sur les savants, et si je passe mon temps à faire les mises en garde ou non. Je vous laisse juger par vous-même. Ensuite, lorsque l'on fait des mises en garde, et que celles-ci sont fondées, et qu'on ramène les preuves de ce que la personne dit, et que l'on prouve que cela est contraire à l'islam, en quoi est-ce que cela est un mal? En quoi est-ce que c'est un mal de mettre en garde les musulmans contre des erreurs qu'ils pourraient prendre en compte et considérer vraies? Mohamed Al-Araifi était en voyage en Jordanie, et il a fait un cours, une conférence sur l'amour. C'était une sorte de salle, et la vidéo est disponible sur Internet. Il est monté sur la scène et a pris le micro comme un animateur. Et il fait son cours comme ça. Il prend le micro et il marche à droite, à gauche, en faisant son cours. Et ensuite, et ça c'est filmé, il dit, lorsqu'un homme voit une femme, qu'est-ce qui se dresse de lui? Est-ce que c'est son nez? Ceux qui sont présents disent non. Est-ce que c'est son oreille? Ils disent non. Puis, on voit Mohamed Al-Arifi faire un signe à celui qui le filme, éloigne-toi. Ne filme pas. Et c'est là où il fait un signe vers sa partie intime. Pour dire que lorsqu'un homme voit une femme, c'est ça qui se dresse de l'homme. Wal'iyadu billah. Est-ce que ça, c'est le comportement d'un prêcheur? Billahi alaykum. Est-ce que c'est le comportement des savants? Est-ce que c'est des personnes comme ça que l'on doit conseiller à nos frères et sœurs? Billahi alaykum. C'est pas des contes qu'on raconte là, c'est des choses réelles. Peut-être que ça va pas suffire. Apportons un quatrième argument. Mohamed Al-Araifi, dans une vidéo, s'adresse à Ahmed Al-Bayt. Et Ahmed Al-Bayt, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sorcier illusionniste qui parcourt le monde et produit ses spectacles d'illusionnisme. Walillahil hamd, sauf en Arabie Saoudite. Et lui-même l'admet. Que l'Arabie Saoudite, c'est le seul pays dans lequel il ne peut pas se produire. Et ceci, par la volonté d'Allah, par la grâce d'Allah, à travers quoi? À travers quoi? À travers le tawhid. Ce Ahmed Al-Bayt a des vidéos sur Internet. On le voit se trancher l'avant-bras. On le voit se planter un tournevis. On le voit boire un verre, puis lâcher celui-ci qui se suspend dans les airs. On le voit guider une table qui se déplace dans les airs sans support. Etc., etc. Parmi les œuvres des shayatin et les œuvres des sorciers. Car ceci ne peut être que l'œuvre d'un sorcier. Mohamed Al-Araifi, en s'adressant à ce Ahmed Al-Bayt, qui était assis à ses côtés, a dit, « Ahmed, c'est mon frère et mon bien-aimé, qu'Allah le récompense. » Puis il lui trouve des justifications, en disant par ignorance que le sihr takhili, qu'est-ce que le sihr takhili? C'est la sorcellerie illusionniste. On a vu dans les cours de Tawhid que la sorcellerie est de deux sortes. Il y a la sorcellerie qui fait aimer un homme à une femme ou qui fait détester un homme à une femme et vice-versa. Une sorcellerie qui a un impact physique sur la personne. Et il y a la deuxième sorte de sorcellerie qui est al-sihru al-takhili, la sorcellerie illusionniste, qui elle agit sur quoi? Sur les yeux, qui fait croire à l'œil qu'il voit une chose alors que cette chose n'est pas vraie. Saharu a'yun al-nasi wa starhabuhum, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, ils ont ensorcelé les yeux des gens, en parlant des sorciers de Pharaon. Et justement, Mohamed Al-Araifi, pour prouver que cela n'est pas de la sorcellerie, qu'Allah le guide, il dit, en se lançant dans les explications des versets de Surah Taha, où Allah Azza wa Jal dit, en parlant de Moussa, jetez plutôt, lorsque Moussa alayhi salam s'est adressé aux sorciers de Pharaon. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper. Yukhayyalu ilayhi min sihrim annaha tasa'a. Mohamed Al-Araifi a dit que cela est une preuve que ce n'était pas une sorcellerie réelle. Alors qu'Allah Azza wa Jal a dit à la fin de ce verset, min sihrihim, par l'effet de leur sorcellerie. par l'effet de leur sorcellerie. Voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés. Pourquoi est-ce que ces bâtons et ces cordes avaient la forme de serpents qui rampaient? À cause de quoi? Min sihrihim. À cause de la sorcellerie. Donc Allah Azza wa Jalla a attesté que c'était de la sorcellerie. Pourquoi dire alors que ce n'est pas de la sorcellerie? Voilà donc un cheikh, un savant, que Nadir Abu Anas recommande malheureusement aux musulmans francophones. Et quant au troisième, Nabil al-Iwadi, les mashayikh de la Sunna l'ont qualifié de conteur, conteur d'histoire. Et les paroles des salafs sont nombreuses, mettant en garde contre les conteurs d'histoire. Et Nabil al-Iwadi, qui sans scrupule qualifie les salafis de murji'at al-asr, des murji'at de cette époque. Et les murji'at, ce sont ceux qui considèrent que quel que soit le péché que tu fais, tu es musulman. Et que celui qui commet les plus grands péchés parmi les musulmans a la même foi que Jibril alayhi salam. Et alhamdoulillah, un certain nombre de mashayikh salafi ont répondu à toutes ces fausses accusations de ce Nabil al-Iwadi. Voilà ce que Nadir Abu Anas recommande à la communauté musulmane francophone comme mashayikh et savants, en délaissant ceux qui réellement doivent être un exemple pour nous. Ces savants de la sunna, dont j'ai cité tout à l'heure quelques-uns de leurs noms, et j'ai volontairement cité tous ces noms, car certains disent que les salafis n'ont épargné personne. Toute personne qui fait la da'wa, vous verrez que les salafis ont parlé sur eux. Et cela est un mensonge. Et cela est un mensonge. Celui qui se trompe, on dit, tu te trompes. Ka'inan man kan. Et alhamdulillah, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de savants et de mashayikh dont l'on prend la science en toute sécurité, en toute confiance, et ceci en obéissance à la parole d'Allah Azza wa Jal. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ceci était un rappel qui profite à celui qui prête l'oreille et qui a un cœur attentif. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.